Entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici en direct sur Radio Gémozo pour parler du syndrome d'épuisement appelé plus communément burn-out. Et oui, nous sommes l'association Ralentir pour vivre, une soixantaine d'adhérents avec effectivement une médecin psychiatre qui nous épaule. Notre but est d'informer et de sensibiliser, car il est vraiment clair que c'est un sujet tabou et difficile de discuter de ce sujet sans toucher certaines personnes. Voilà. Donc, vous pouvez intervenir en direct sur le 03 29 62 40 40 ou alors sur nos pages Facebook de Radio Gémozo et de Ralentir pour vivre à Beau. Maintenant que je vous ai mis le cadre, cette émission à contre-temps, c'est à vous en direct, nous permet normalement de recevoir des invités qui apportent des informations sur ce phénomène. Des informations importantes. Nous avons voulu interroger les dernières émissions des jeunes, ce que nous avons fait, et nous avons regardé effectivement ce phénomène qui sévit maintenant dans la jeunesse. Et puis nous avions décidé cette semaine d'inviter une étudiante en médecine qui est interne, parce qu'effectivement ce phénomène est extrêmement dur dans ce cadre-là. Ils sont en examen, donc on a pu avoir une interview que nous avons enregistrée à l'avance. Maintenant, je vais vous annoncer quelques chiffres déjà. En 2021, on parlait de 67% d'internes et d'externes qui étaient en burn-out. Voilà. En 2022, on parlait de 11% qui avaient des idées suicidaires. C'était une statistique qui était sortie en 2016. Maintenant, des symptômes anxieux, 62% en 2017, et des idées suicidaires. Alors, en 2022, c'était 23%. C'est en 2016 où il y avait 11%. En 2022, il y avait 23%. Et puis, en 2022, il y a eu aussi une autre étude qui a été faite, dont 2 futurs médecins sur 3 sont en burn-out. Et là, en 2024, on parle de 81% des étudiants qui travaillent en moyenne 50 et jusqu'à 80 heures par semaine. Donc là, on arrive dans un sujet qui est extrêmement difficile, parce que les étudiants en médecine, et entre autres les internes, ce sont les gens qui nous soignent. Ce sont des gens qui ne sont pas censés avoir de problèmes de santé. Et là, en premier lieu, on va d'abord écouter les conditions de travail qui sont données par le docteur Gaëtan Casanova, ex-président de l'intersyndicale des internes en médecine. Gaëtan Casanova, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dénoncez les conditions de travail très difficiles des internes. Pouvez-vous nous décrire les difficultés qui sont rencontrées au quotidien ? Alors, les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. La première difficulté, c'est celle des conditions de travail. C'est-à-dire qu'un interne, il travaille en moyenne 58 heures. Ça, c'est pour toute la moyenne des internes. En chirurgie, on est très souvent au-dessus de 70 heures. Et là, la crise Covid, évidemment, a amplifié le phénomène. Ce n'est pas rare que les internes travaillent plus de 100 heures par semaine. Et ça, c'est une cause d'épuisement professionnel. La seconde, vous en avez parlé, c'est la question des violences. C'est la question de l'omerta. Je ne sais pas s'il y a plus de violences en médecine qu'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'en médecine, on en parle moins. Et que lorsqu'elles existent, rien n'est fait pour les contrecarrer. Le conseil est terrible, on l'a dit, 5 morts depuis le 1er janvier. D'après vous, la crise, quel a été le rôle de la crise ? Est-ce qu'il est vraiment important ou c'est juste un révélateur finalement de quelque chose qui existait déjà auparavant ? Ça a été, oui, un révélateur, un amplificateur. Là, on en est à donc un suicide tous les 18 jours. Un suicide interne tous les 18 jours. Ces problèmes-là, on les a déjà signalés en 2017. On avait une grande enquête santé mentale où on mettait le doigt, l'évidence sur ce problème-là. Mais là, évidemment, la crise a été difficile pour tout le monde. Elle l'est également pour les soignants et tous ces phénomènes sont amplifiés. Alors, quel est l'objectif de votre campagne de sensibilisation aujourd'hui ? Eh bien, notre objectif, il est simple. On sait que dans le milieu médical, ce problème est connu, qu'il n'est pas résolu. On sait que nos partenaires, on sait que les ministères ont une sensibilité plus ou moins importante, surtout le ministère de la Santé, qui ne s'est toujours pas exprimé sur ce problème-là. Donc, nous, notre rôle, c'est d'alerter la population générale en disant, lorsque votre soignant va mal, c'est également les patients qui peuvent aller mal. Un soignant qui est malheureux, un soignant qui est épuisé, c'est un soignant qui soigne aussi moins bien. Pour les soignants comme pour les patients, il faut se saisir de ce problème et pour ça, on a besoin de l'ensemble de la population. Et est-ce que vous avez en tête une mesure prioritaire, par exemple, qui pourrait être mise en œuvre là, tout de suite, maintenant ? La première qui pourrait être mise en place dès maintenant, c'est de limiter le temps de travail uniquement aux valeurs légales, c'est 48 heures maximum, ce qui est déjà un bon taux horaire. Eh bien, je crois qu'il faut au moins commencer par un décompte du temps de travail dès maintenant pour éviter les catastrophes comme on peut les avoir avec des internes qui travaillent jusqu'à 100 heures. Oui, mais vous savez très bien que les internes servent absolument à tout dans notre pays et qu'avec cette crise sanitaire, on les récupère quand ils ont un petit peu de temps libre pour aider dans les réanimations, dans d'autres services. Comment on fait là aujourd'hui ? Eh bien, ça c'est un vrai problème qui s'est posé. La réalité, c'est qu'il faut arriver à prendre des internes, notamment lorsqu'ils sont volontaires. On avait fait ça lors de la première vague et qui ont un peu plus de, on va dire, un peu plus sous le pied pour pouvoir rendre service. Il y a également des professionnels libéraux. Il faut se servir de l'ensemble de la communauté médicale, toujours pour un objectif, c'est de soigner et de soigner bien. Et encore une fois, un soignant épuisé, c'est un soignant qui soigne mal. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. Trop tirer sur la corde, ça peut être dangereux pour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Nous revoici à l'antenne. Eh bien, on parle de sensibilisation. Nous aussi, on parle de sensibilisation et d'informer. Parce que c'est très important d'en parler. Pourquoi en parler ? Parce que parler permet de rendre visible l'invisible. Et dans ce cas, c'est vraiment le cas. Parce que ça ressemble à quelque chose d'invisible. Un médecin n'est pas censé être malade. Et ça permet aussi de ne pas se sentir coupable d'en avoir été victime. Et ainsi, arriver à une résilience. Je vais juste faire un court résumé. Le syndrome d'épuisement, pour le présenter de manière simple, c'est la pression sur le long terme. Donc, on peut imaginer que interne étudiant en médecine, d'ailleurs on l'entendra dans l'interview de la personne que nous avons invitée, la pression sur le long terme est devenue vraiment dramatique. Elle est aussi importante parce que effectivement ça devient une normalité. J'ai trouvé sur France Info, sur Internet, l'histoire d'une ancienne interne en médecine, Elena Fournier, qui a décidé de se réorienter après un burn-out. Elle est médecin de médecine, ancienne interne de médecine générale de Nîmes. Elle avait 25 ans en 2016. Et elle parle de « Je ne pouvais plus ouvrir un bouquin, je pleurais toute la journée ». Elle parle aussi de lever le voile sur ce tabou. « J'avais honte de parler car mes co-internes n'étaient pas au top non plus ». Et là, on verra, ça résonne beaucoup dans l'interview qu'on a. Une communauté d'entraide, c'est vrai qu'il faudrait effectivement songer à une communauté d'entraide et regarder les choses clairement. C'est difficile d'avouer qu'on est soignant et qu'on a soi-même un problème de santé. Écoutons notre interview avec Hélène. Bonjour Hélène, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Alors, notre but étant de donner la parole, d'abord je vais vous laisser vous présenter. Donc, je m'appelle Hélène Delvitte, je suis interne de médecine générale, actuellement en deuxième semestre, en stage aux urgences de Saint-Dié-des-Vosges. D'accord, je vois déjà l'environnement est planté, c'est intéressant. Donc en fait, les interviews faites aujourd'hui, ça concerne les étudiants en médecine. Parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup parler du stress dans lequel vous vivez, seulement on l'entend de l'extérieur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous expliquiez quelle est la vie des étudiants internes en médecine actuellement. C'est très mouvementé, surtout avec la politique actuelle, on ne sait jamais sur quel pied danser. Ce que l'avenir nous réserve, ce sont en plus des études longues, donc très difficiles à vivre, parallèles avec d'autres, du moins le même âge qui ont fini justement, qui sont bien ancrés dans une vie, dans la vie entre guillemets réelle. Ils ont un métier, ils avancent dans leur vie. C'est toujours compliqué. On n'a pas l'impression d'avancer. On est toujours planté dans nos études. On a l'impression qu'on en sera d'éternels étudiants. Voilà. Donc ça avance, hein, mais il faut être très très patient. J'avoue que moi, par exemple, en quatrième année, j'ai lâché un petit peu. J'avais eu ma première année en une fois, et après, c'est chaque année a sa particularité et il faut tenir. Et si on tient pas, on se fatigue. Et si on se fatigue, ça rallonge pour rien les études et c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, tout à fait. Et donc, par rapport au syndrome d'épuisement, je dirais qu'il mène au burn-out. Mais par rapport à cette question, j'aimerais avoir votre avis parce que j'ai eu une discussion avec une médecin qui avait terminé ses études et qui m'a fait la réflexion suivante, qui était intéressante, qui m'a dit « Les étudiants en médecine ne sont pas déclarés en burn-out, seulement, on va dire, ils survivent d'une façon drastique à cet épuisement en étant conscients. » Oui, souvent, on sait que... Tout le monde le sait que c'est compliqué et en soi, on se dit que c'est un peu comme tout le monde, quoi. On prend sur soi et puis on avance. Si on n'est pas bien, c'est pas grave. On sait que les autres aussi, entre guillemets, enfin, la plupart, on ne vit pas forcément bien. Donc à partir de là, on se dit qu'on prend sur soi et puis on avance. Mais on ne va pas forcément le déclarer parce que c'est comme si on baignait dans quelque chose de commun. Donc on n'a pas l'impression de sortir... plus que ça du lot. Alors on voit des tentatives, des flyers de sophrologie, c'est connu que ça ne va pas, mais pour autant on ne se le déclare pas, peut-être même à nous-mêmes de prime abord, on ne veut pas se l'avouer. Et puis après, quand on nous le fait remarquer, faut pas, si on se pose la question, c'est encore plus dur peut-être après, quoi. Je comprends. Maintenant, autour de vous, est-ce qu'il y a eu des cas vraiment déclarés de gens qui ont vraiment pété les rondelles, burn-out total dans les internes ? Autour de moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui sorte plus du lot que ça, où ça va pas, mais après ça passe. Mais puis souvent, les gens n'en parlent pas forcément. On se sait, mais de là à dire je me fais aider, je vais voir quelqu'un, j'ai une aide médicamenteuse ou juste j'ai un diagnostic, ou je pense que c'est comme une ambiance, mais de là, non. Donc. Je comprends. Maintenant, donc, si je résume ce que vous m'avez dit et que je fais une vision globale, en quelque sorte, vous ressentez un stress, si on parle de stress, constant. Oui. C'est ça. Seulement, oui. On n'en parle pas. Il y a une espèce d'omerta, et si je résume ce que vous m'avez dit, dans le sens, il y a pire que nous, il y a d'autres qui sont comme ça, et en fait, nous, c'est pas important, en gros. Oui, on prend sur nous et on avance, tout le monde a ses faiblesses, tout le monde le vit pas forcément bien. Parce que j'ai appris qu'il y avait des syndicats d'étudiants. Je fais partie d'un de ces syndicats, le Raoul IMG. J'en suis trésorière, adjointe, et il y a des réunions, ils se rassemblent. Toute la France, les représentants des associations se rassemblent tous les trimestres. Et c'est un sujet qui vient de temps en temps. Ils y travaillent. Il y a tellement de choses aussi à côté qui doivent être gérés, que ça peut passer en second plan, mais ça l'est de moins en moins. En tout cas, c'est un sujet qui essaye d'être mis sur le premier plan de plus en plus, mais voilà, ça avance vraiment doucement. Et puis, quand nous, on s'en rend compte, après la hiérarchie dans les stages et à l'hôpital, souvent, c'est quelque chose qui a été vécu aussi par les chefs, mais du coup... on l'a vécu, donc vous pouvez le vivre, on n'en meurt pas, donc on va pas changer ça pour autant. Et puis prenez sur vous, souvent ils nous font subir ce qu'ils n'ont pas aimé, mais ils l'ont vécu, alors c'est un espèce de retour de bâton, quoi. Et alors ouais, tout le monde le sait que c'est problématique. Mais pour autant, même si ça se sait petit à petit, étage par étage, il y a des habitudes qui sont ancrées, même parfois peut-être une vengeance qui se crée. Je comprends. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quel épisode. étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Après cette première partie d'interview avec Hélène, nous allons entamer la deuxième partie de l'interview où on rentre plus profondément dans le milieu médical et dans ce que ça constitue vraiment, cet excès d'horaire, cet excès de travail et cette pression qui est mise sur le corps médical. Là, nous allons écouter la suite avec Hélène. On sait que statistiquement, dans les, on va dire, on va pas faire une compétition parce que ce serait malsain et ce serait contre nos valeurs principales de l'association. Mais je dirais que quand même, il faut savoir que dans les premiers touchés sont les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre parce qu'ils ont une très forte pression économique qui fait qu'ils sont plus touchés par le burn-out que les autres. En second, c'est la santé, les médecins. Et la problématique des médecins, c'est qu'il y a un côté occulté ça. Comme s'il y avait quelque chose de plus important à faire, donc nous-mêmes, on s'efface. Et c'est dans la population, les médecins qui sont les plus touchés, ce qui est un peu antinomique, parce que effectivement, les médecins n'arrivent pas à s'auto-diagnostiquer, ou en tout cas ne veulent pas le faire, même s'ils sont conscients qu'ils sont dans ce processus. Parce que quand vous parlez de vengeance, c'est intéressant. Dans le processus de l'épuisement, donc le burn-out, l'étude qu'on a fait avec le docteur Koifik nous amène à voir effectivement comme un des symptômes le cynisme, l'agressivité. Parce que c'est ce qu'on explique par rapport, on a comme soutien l'INRS, qui a un film qui explique comment le stress est à une part, mais enfin vous êtes médecin, je ne vais pas vous faire une explication. Non, c'est toujours intéressant, dites-moi. Mais à une part physique, c'est-à-dire que la trop grande consommation d'adrénaline entraîne le cortisol, puisque l'adrénaline s'écoule, donc il faut le gros lourd qui arrive derrière, le cortisol, et qu'à un moment donné, les régulateurs dans le cerveau n'arrivent plus à équilibrer la situation et font un dérèglement hormonal tel que on arrive à une fatigue. Et tout ça, c'est physique, même si au départ, il y a un côté psychologique, parce qu'on veut faire beaucoup. Mais il y a un côté physique. Et dans ce côté physique, il y a un changement d'humeur qui est violent. Et là, vous nous en parlez, en quelque sorte. Oui, on a... l'humeur change beaucoup. C'est difficile à suivre. Après, effectivement, c'est... En médecine, je ne sais pas si on ne veut pas se diagnostiquer. En tout cas, on sait que ceux qui ne vont pas bien savent qu'ils ne vont pas bien souvent. Pardon, j'avais un médecin généraliste là en stage, il n'allait pas bien. Il a fait le test lui-même, il sait comment se diagnostiquer, il sait, il connaît les symptômes. Mais voilà, on est censé être celui qui prend en charge les autres, qui prend sur lui et qui concentre son énergie sur autrui. Donc c'est vrai que quand ça va pas, déjà généralement la plupart du temps les médecins généralistes n'ont pas leur propre médecin traitant, c'est ils se soignent eux-mêmes, ils s'oublient quoi. Donc après effectivement il était en burn-out, mais il faut avancer, les autres ils comptent sur nous, donc on n'a pas le droit d'aller pas bien quoi. On n'a pas le temps, on n'a pas le droit. C'est ça. Et donc, nous, ce qu'on avance hein, en tant qu'association, c'est que c'est une maladie, une pathologie de société, hein, toujours plus. Alors, la compétition, hein, le culte de la compétition, la concurrence exacerbée, la manie d'évaluation, parce que c'est bien d'évaluer une paire de draps si elle est bien douce ou pas, mais un être humain, c'est encore autre chose. Et puis, le culte de l'urgence. Et donc, effectivement, quand on regarde ça, ce pourquoi l'association donne la parole aux gens, c'est que quelque part, les personnes se sentent coupables d'avoir été victimes, ce qui est quand même ambigu. C'est ambigu. Et là, vous nous mettez de l'eau un peu à notre moulin, c'est-à-dire que le médecin se sent coupable parce que lui, son travail, c'est soigner les autres et que lui-même, il s'oublie, ce qui est un petit peu, une caractéristique des médecins, ce qui est un peu normal, hein, puisque c'est une vocation quand même dans ce sens. Seulement, c'est compliqué parce que, juste pour dire, l'histoire des internes, moi j'ai lu ces statistiques, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que peut-être que vous ne le vivez pas chez vous comme ça, mais il y a un suicide tous les deux jours. Alors, je ne dis pas qu'ils prennent le téléphone pour dire « bon écoute, aujourd'hui c'est moi et demain ce sera toi », non, d'accord. Mais la moyenne par année fait qu'il y a énormément de gens, parce que ça aussi, ça fait partie des symptômes du burn-out, c'est-à-dire on retourne la violence contre soi, en final. Hein. Oui, il y a eu... Il y a des drames en médecine. Il y avait une connaissance, le copain d'une amie, donc ça fait peut-être 3 ans. Ça a commencé par des affiches de recherche, et en fait, il a été retrouvé... il s'est suicidé dans un parc et personne n'était au courant. Ça a été vraiment un gros chamboulement pour tout le monde, parce que les gens ne se rendent pas compte à côté quand on passe le seuil, quoi. On a l'impression que c'est normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus, et on se sent seul. Et cette personne-là, sans doute, je vais pas parler à sa place, mais... Et je ne sais pas si ce n'était que la médecine. En tout cas, j'imagine que ça n'a pas aidé. Et effectivement, voilà, ça s'est terminé par un drame. Donc, il y en a pas même... Il y a deux semaines aussi, il y a une autre perte d'un étudiant dans ma promo, d'une étudiante, dans un autre contexte. Mais il faut jouer avec ça, quoi. Mmh. Et puis, même si après le CN, donc le concours de fin de sixième année, c'est à ça, la compétition, le classement, les notes, être au-dessus de ceci, être. Après, en tout cas, en médecine générale, on est plus. On la ressent moins, mais l'environnement s'adoucit peut-être un petit peu, mais on est tous fatigués. Et dans tous les cas, ça s'arrange pas tellement, quoi. Oui, c'était ça le but de faire parler, parce que effectivement, c'est assez alors peut-être pas tabou, mais c'est assez opaque. On voit pas grand-chose de l'extérieur. Les étudiants en médecine, oui, on a vu. Moi, j'ai des audios qui vont passer justement durant cette émission de cas où des gens sont vraiment en stress constant, hein, et c'est ça qui amène au burn-out, c'est le stress constant. Et c'est vrai que c'est opaque. On n'en parle pas. D'ailleurs, vous m'avez répondu, mais j'ai aussi écrit des mails à deux autres syndicats qui ne m'ont jamais répondu. Ah oui, ok. Effectivement, après, il faut prendre le temps. Déjà qu'on ne le prend pas pour nous, il faut le prendre c'est compliqué de se laisser du temps. C'est à la fin, on nous apprend à être un peu plus égoïste, à penser à nous, à toujours. C'est bien. Voilà. Mais d'un autre côté, effectivement, ça n'aide pas à la compréhension des gens qui nous entourent. Moi, je sais que mes proches, alors même qu'ils sont, ils sont médecins, donc ils connaissent, mais les études sont tellement variantes et évoluent d'année en année. Donc là, quand une ou deux générations nous séparent, ils ne comprennent même pas dans lequel monde on vit. Alors imaginez que quelqu'un qui n'est pas du milieu de la santé puisse nous comprendre, c'est on lâche l'affaire. Enfin, on se le pose même pas parce que voilà, même mes parents, quand je travaillais autant, ils se disaient mais il y a un problème. Je veux dire, nous on le faisait pas. Tu dois avoir un problème, toi. C'est toi qui dois. Mais en fait, non, tout le monde est comme ça, tout le monde est censé travailler. Et si on ne s'arrête pas, on se dit, bah, les autres, ils travaillent. Donc à ce moment-là, ils montent dans le classement. Alors que moi, si je me repose, je ne peux pas m'améliorer. Donc enfin, c'est un stress constant. Et surtout, l'incompréhension générale n'aide pas à ce qu'on se sente écouté, compris, et surtout qu'on puisse un petit peu lâcher du lest et se faire aider. Enfin. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits. Vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir? Avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureux devant vous, que ça vous plaise ou non. Ben tant pis, je m'en fous, vous m'aimerez comme je suis, peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, oh, ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne voit pas, c'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas. Voilà, nous revoici en direct sur Radio Gemozo. Vous pouvez intervenir au 03 29 62 40 40 ou sur la page Facebook de Ralentir pour vivre à Beau ou de Radio Gemozo. Un sujet poignant. Le burn-out chez les internes en médecine est un sujet plus que poignant. Effectivement, Hélène vient de nous raconter que la violence, il y en a certains qui la retournaient contre eux. Alors, on ne va pas dire à leur place pourquoi, pour comment, mais ce sont souvent des gouttes qui font déborder le vase. Ces étudiants, effectivement, font des études très longues et en même temps avec beaucoup d'obstacles, avec beaucoup de choses qui se passent, qui sont en dehors de leur volonté. Et avec une société qui leur met une pression violente sur eux. J'en ai effectivement moi-même de l'émotion. Nous allons continuer à écouter Hélène. Parce qu'il y a effectivement des études de médecine qui sont beaucoup plus longues. Elles ont augmenté. C'est interminable. J'ai fait, je crois, une crise d'angoisse une soirée l'année dernière. Et je faisais souvent des cauchemars. Je me disais, mais je vais toujours voir mes copains terminer leurs études et moi, je vais jamais les finir. Ça va être c'est interminable. Et le soir où j'ai appris que Emmanuel Macron avait rajouté avec le 46-3 passer l'année. La quatrième année en docteur junior en médecine générale, sans notre avis. C'était la première fois d'ailleurs que j'avais manifesté, mais bon, c'était ridicule parce qu'on était 15-20 pelés sous la pluie à manifester. L'impression qu'on criait pour rien, quoi. Et après, on apprend que voilà, une année se rajoute encore. C'est un sentiment de désespoir à la fin. C'est un cauchemar et en fait, on le vit après. On se dit, eh ben voilà, ça arrive encore. Il va falloir que je prenne sur moi et puis j'attends. Puis je vais à côté, ma vie, elle est toujours entre parenthèses. Et y en a qui essayent de créer une famille, mais c'est compliqué. Il y a les études et puis essayer de trouver de se créer son havre de paix. C'est le moment aussi, après un moment de l'internat, où les gens pensent à acheter, mais les salaires ne sont pas incroyables. Alors, enfin bref, c'est difficile de se construire à côté des études de médecine qui sont tellement énergivores et interminables. Donc à la fin, on a 30 ans et on se dit, allez, on va peut-être pouvoir commencer à construire quelque chose. Mais pour la santé mentale, quand on voit tout le monde à côté qui ont des familles, qui ont, enfin, je veux dire, qui ont les logements, qui ont profité de leurs proches. Nous, c'est vraiment... Si on prend du temps pour autre chose, on sacrifie. On a l'impression de sacrifier ce pourquoi on travaille. Si on essaye de prendre du temps pour nos proches, ben à ce moment-là, on va pas pouvoir travailler. Donc forcément, vu que c'est le classement, après on aura un moins bon, enfin pas le métier qu'on veut. Si on essaye d'atteindre chirurgien ou une spécialité, enfin. C'est jamais simple, c'est jamais bah, je vais me reposer pour me reposer. Non, c'est je vais me reposer, mais en attendant, le flot continue de couler à côté. Quoi. Donc c'est aussi fatigant de jongler avec ça. Quoi. Oui, alors on comprend mieux pourquoi effectivement on a de la peine à avoir des médecins. Si on augmente les difficultés, ça n'arrange rien au film. Hein. Oui, au début, moi j'aimais beaucoup à me dire... Je vais parler de mon métier, je l'aime bien, moi c'est un métier passion, je voyais que ça. Et puis en fait, quand on me dit maintenant je vais être médecin, mon premier réflexe est de dire fais autre chose, vraiment fais autre chose, sauve-toi, vraiment le bateau coule. Si on râle, en tant que professionnel de santé, on est pris pour des ingrats, parce qu'on n'est pas censé râler, parce que justement... si on parle d'argent, tout de suite, un médecin qui parle d'argent, pareil, c'est impensable. Donc, j'ai l'impression qu'on est quand même une profession où on se fait rouler dessus. Hein, et puis, si on parle, oui, on est ingrat, on n'a pas le droit. C'est pas nous de parler de ça. Et du coup, bah, si on le fait pas pour nous, personne va le faire. Donc, et puis, l'opinion publique, c'est toujours à double tranchant. Une fois, on est adoré, et puis à côté de ça, on est incompris et on en fait trop et on ne comprend pas. Donc, on a l'impression des fois d'essayer de sortir d'un sable mouvant. Quoi. C'est franchement fatigant. Oui, j'avais entendu, mais alors peut-être que c'est que des... Enfin non, c'est une interview que j'ai chopée sur le net. Comme quoi, dans les hôpitaux maintenant, on emploie les internes et les externes parce qu'en fait, on leur fait faire un taf qui devrait être normalement rémunéré, mais on les fait faire à eux parce qu'on n'a pas de budget. Mmh. Est-ce que c'est une... Ah oui, c'est une vérité, oui. Ah oui, ça existe beaucoup. Et les stages qui ne le sont pas, ou en tout cas les maîtres de stage qui nous disent « vous n'êtes pas là pour faire avancer le service ou faire le rôle d'un interne ou faire le rôle du médecin, ou, etc. » sont rares. Et La plupart du temps, effectivement, l'hôpital est en tension, donc l'externe, qui a de base le rôle d'étudiant, a le rôle, un rôle plus important, mais pas valorisé d'un point de vue salaire, ça, n'en parlons même pas. Mais si on n'est pas là, ben, c'est grave, quoi. On nous le fait comprendre. Il faut un planning où, par exemple, les lundis, il va falloir avoir plus de monde parce que c'est compliqué à gérer. Les week-ends, on est en tension, donc il va falloir prendre sur vous. Effectivement, ils ont besoin de nous. C'est rare que dans un hôpital, soit suffisamment sain, ou même dans un service, parce que dans un hôpital, c'est très dépendant aussi des services. Il y a beaucoup de médecins, pareil, à force de partir, d'être en burn-out, ça change d'un semestre à l'autre. Alors quand on essaye de se dire, bah là, ça a l'air bien dans ce semestre-là, dans ce stage-là, d'un mois à l'autre, tout peut valdinguer parce que l'équilibre est tellement précaire. Si un médecin part, les autres prennent sur eux, donc ils sont plus fatigués, donc quand ils finissent par partir, donc ça retombe sur les étudiants. Enfin, l'équilibre chaîne qui se met à déconner d'une semaine à l'autre, ça peut varier complètement, et puis ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Bon, précaire. Je vois. Bon, en tous les cas, moi je vous remercie infiniment de cet échange, parce que je savais pas ce que vous alliez dire, et j'avais pas d'idée, hein, parce que quand je fais mes interviews, je n'ai pas d'idée en règle générale. Ce qui est intéressant, c'est de la façon dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire qu'effectivement, cette ambiguïté entre ça n'a pas le droit d'exister, notre épuisement, et en fait, factuellement, il est là. Mm-hmm. C'est ça, c'est ce côté, oui, on est épuisé, mais c'est pas dans notre rôle d'être épuisé, donc on oublie. C'est un peu ça que vous m'avez dit. Oui. On n'est pas censé. Oui. Voilà, on n'est pas censé s'épuiser. Et puis d'un autre côté, factuellement, vous le vivez quand même au quotidien. Parce qu'effectivement, c'est une pression qui est tout le temps là. Alors, j'allais vous dire, effectivement, prendre conscience, peut-être que c'est le premier pas pour dire oui. C'est comme ça, hein, parce que comme vous le dites, voilà, vous n'allez pas abandonner après avoir fait 8-10 ans d'études, hein, c'est pas là que vous allez abandonner. Donc oui, c'est comme ça. Et d'un autre côté, en être conscient permet peut-être, comme vous dites, un peu de sophrologie à droite, un peu de bol tibétain à gauche, enfin, deux, trois choses pour améliorer le quotidien, quoi. En quelque sorte. Je tiens spécialement à vous remercier parce que vous êtes en période d'examen. Oui, on a le... C'est mardi prochain, si je ne me trompe pas. Moi, je note tout parce que sinon, j'ai tellement de choses dans la tête que voilà. Effectivement, mardi prochain, voilà, on a des cours tout le temps entre les gardes. Donc, on n'a même pas trop le temps de... On vit au jour le jour. Quoi, donc, D'ailleurs, c'est pour ça que cette interview a été enregistrée au préalable, parce que mardi, vous serez en examen. Donc, quand passera cette interview, nous penserons très fort à vous. Voilà. C'est gentil, je vous remercie. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une bonne fin de journée en vous remerciant beaucoup. Merci beaucoup à vous. On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin. J'ai raté ma vie et même mon train. À votre avis, est-ce que je vais bien? On dit que la nuit porte conseil. Comment on fait quand il y a le soleil? Je me recouche dès que je me réveille, mais il y a cette voix dans mes oreilles. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur, même à de bras, allez là, comment te relever si tu tombes pas, fais de tes failles un combat, essuie tous tes pleurs sinon tu te noies, allez là, allez là, mais moi sous vide, je crois que je vais crever. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver. J'ai mal au bide, à force de penser. Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler. Mon propre silence fait du bruit. Pour pourtant je danse toute la nuit. Je n'ai plus confiance en la vie. Pourtant il y a cette voix qui me crie. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles en combat. Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies. Allez là, te laisse pas crever comme ça. Donne du travail au karma. Garde la main sur le cœur même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas. Fais de tes failles un combat. Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies. Revoilà en direct. Alors effectivement, je dis toujours effectivement, il faudrait que j'arrête de le dire parce que c'est peut-être parce que c'est une réalité qui quelquefois me saute à la figure. Oui, cette douleur qu'on entend parce qu'il y a une douleur dans ce travail intensif, cette involonté d'aller jusqu'au bout du bout. Les étudiants en médecine sont effectivement, et je leur dis encore une fois, mais réellement dans une sale situation parce que le contexte ne les aide pas. On va écouter une interview d'internes en anesthésie pour savoir un peu quelles sont leurs journées. Bah là, ils ne seraient pas, mais ils arrivent à mettre le 4 dedans, donc peut-être qu'on va mettre du... Mais tu peux monter encore le dip et fais-lui un bolus de trac, je pense, comment. Ouais. Endormir le patient et réguler la profondeur de son sommeil, c'est l'un des actes quotidiens de Lucie. Elle est interne en 3e année en anesthésie-réanimation et ses journées sont bien remplies. En fait, il y a plein de petites choses à faire. Le matin, on va faire les prescriptions. Donc là, on essaie de se poser de façon globale sur le patient, de regarder un peu comment il a évolué, qu'est-ce qu'on va essayer de régler dans la journée. Et l'après-midi, on fait un peu les missions. Lui, aujourd'hui, la mission, c'était la fibroscopie. La voisine, elle va aller au bloc opératoire. Donc on a appelé les chirurgiens, ensuite, il faut appeler les anesthésistes pour prévoir le bloc. Mais les missions de Lucie ne s'arrêtent pas là. Toute la journée, elle doit alterner entre les soins, au lit des malades et des tâches administratives devant l'ordinateur. Comme remplir les dossiers des patients, une démarche qui paraît simple, mais que Lucie doit assurer, en plus des actes purement médicaux. Quand après, le patient il va revenir à l'hôpital dans 2 ans, et il faut bien que les gens ils sachent ce qui s'est passé. Donc c'est essentiel qu'on prenne le temps d'écrire dans les dossiers ce qu'il faut. C'est pas forcément l'urgence dans la journée. Le plus important quand il est arrivé, c'était surtout d'aller le voir et de s'occuper de lui. Mais oui, c'est important, et oui, ça nous prend un peu de temps. Je dirais que ça peut prendre entre 20 et 40% selon les jours. Une charge administrative lourde et qui n'est pas toujours optimisée. Dans beaucoup d'hôpitaux, les fax sont encore monnaie courante. Par exemple, pour demander des médicaments coûteux à la pharmacie. Ça peut être des médicaments d'utilité urgente, on va dire, qu'on doit faxer ensuite à la pharmacie. Donc ça peut prendre un peu de temps et dans les situations urgentes, ça peut devenir un peu galère. Et pour demander des examens pour les patients, là aussi, la procédure est laborieuse. Ça peut aller du fax à la demande sur un certain logiciel, au coup de fil, au fax plus le coup de fil, au fax plus le coup de fil plus la demande sur un logiciel. Enfin, le fax, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est tellement installé que plus personne se pose la question de est-ce qu'il faut le supprimer ou pas. Si les internes se retrouvent à faire des tâches administratives qui ne relèvent pas toujours de leur formation médicale, c'est notamment parce que l'hôpital manque de bras. Il ne faut pas se le cacher, il y a énormément de tâches dans les hôpitaux qu'on fait faire aux internes, aux externes, parce qu'on sait qu'on n'a pas les ressources en termes de secrétariat médical, en termes de gestion de l'activité administrative. Clairement, si on n'a plus les internes, on ferme les hôpitaux. Des internes indispensables aux journées à rallonge. Dans ce service, ils travaillent en moyenne 48 heures par semaine, avec parfois des pics jusqu'à 90 heures. Nous revoilà en direct. Donc, résumons. Étudiants en médecine externe et ensuite interne, ce sont des situations très difficiles, très pénibles à vivre, qui, dans un contexte, on va dire, économique, n'arrange rien. Effectivement. Alors là, j'ai trouvé un site. Alors depuis ce que j'avais trouvé, donc c'était une ancienne interne en médecine, Elena Fournier, qui a fait une page Facebook qui devrait être importante. Je le dis pour tous les étudiants en médecine qui écoutent. Elle a déjà 2500 membres. C'est un groupe privé. Entraide santé mentale pour externe et interne en médecine. Elle est médecin elle-même. Colibri libre. Entraide santé mentale pour externe et interne en médecine sur Facebook. Je pense à tous les étudiants en médecine pour leur donner effectivement le moyen de trouver un endroit où on peut parler, où on peut en parler, où on peut dire les choses et où on peut aussi échanger pour rendre visible ce fameux invisible, tout en comprenant que le médecin se trouve pris entre deux, entre le marteau et l'enclume. Il doit soigner et ne doit pas être malade. Seulement ne pas reconnaître qu'on le maltraite quelque part, parce qu'il y a une maltraitance. Ça, on va pas le nier. C'est important quand même, déjà pour l'avenir de la médecine et l'avenir de nos jeunes aussi, puisque là, on parle des jeunes étudiants en médecine. Je reprendrai après une courte pause pour vous dire ce qui va se passer en septembre prochain. À Lausanne, je vais aux deux êtres durs. Tout comme les détenus, je suis entouré de mes quatre murs. Que j'ai volontairement peint jaune, couleur sable bleu, couleur mer, vert, couleur sapin. Eh bien, ce n'est pas cela qui va empêcher l'eau à la bouche de monter. Lorsque mes yeux peuvent déguster les images des prospectus que l'on m'a donné en me précisant bien. Tu es tout pâle, copain, il vaut mieux. D'après moi, ce serait bien que tu partes. Loin des murs gris de la ville, loin de tous ces gens qui défilent comme des marionnettes manipulées par des fils. De toute évidence, je suis en état d'urgence. Je mérite une petite récompense. Je veux des vacances. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix? Donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix? Donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix? Donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix? Donc on y va. On y va. Toute ma vie j'ai trimé, ça suffit. J'en ai marre. Nouveau départ, il faut savoir laisser choir quand l'espoir se fera. Prendre un nouveau départ sans histoire pour avoir l'opportunité de tester l'été, des facilités d'exister face au fait, avoir la possibilité d'éviter de lutter, de pouvoir s'évader et être en paix. Que toda la santa vida sudando tanto para la pasta que no me importa y no me gusta mi la riqueza. La alegría es la que nutre de mi alma. Bye bye por un mes, necesito vacaciones. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix, donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix, donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix, donc on y va plus fort, gars. Nous voulons des quoi? Des vacances. Des quoi? Des vacances. Tu n'entends pas nos voix, donc on y va. On y va. Des vacances. Jouer, des vacances pour aimer, des vacances je pense nécessaires pour se ressourcer, des vacances qui défilent, des vacances indélébiles, seul sur une île sous le soleil tranquille, utile de partir, inutile de s'enfuir, subtil de construire les vacances de l'avenir, partir c'est mourir, un peu souffrir, ça ne vaut pas mieux, je pense que comme tout le monde, j'ai besoin à toute personne normalement constituée. Je crois qu'il est nécessaire et aussi vivement conseillé de ne pas se laisser étouffer par ses responsabilités. Donnez-moi des vacances, sans quoi je risque de vriller. Pour jouer des vacances, pour aimer des vacances, pour finir le couplet, pavé le sixième. Nous revoilà en direct sur Radio Gémozo qui nous offre l'écoute pour pouvoir justement diffuser cette émission à contretemps. C'est à vous en direct. Nous venons de terminer l'interview avec les étudiants en médecine, entre autres les internes. Juste pour rappel, vous pouvez trouver les informations sur l'émission Radio Gémozo à contretemps, c'est à vous en direct sur le site ralentirpourvivre.org. Aux activités, vous allez dans l'onglet activités, vous allez sous à contretemps. C'est à vous en direct. Donc, pour vous rappeler, nous avons eu une invitée qui nous a parlé de son burn-out. C'était le 27 février. C'est là que nous avons commencé la série de ces émissions tous les 15 jours. Ensuite, le 12 mars, nous avons eu Swad Mejri comme coach sophrologue qui nous a parlé des personnes qu'elle rencontrait. Ensuite, nous avons eu Guillaume Marchand, professeur de yoga, le 26 mars, qui nous a expliqué quelles sont les techniques relaxantes lorsqu'on se sent trop stressé. Ensuite, le 9 avril, nous avons eu Jocelyne Marie, cultivatrice de joie, qui, elle, nous a parlé de sa vie actuelle, car elle a fait, elle aussi, un burn-out il y a 20 ans. Le 23 avril, il y a eu le président du GAB des Vosges, Nicolas Thomas, avec lequel nous avons échangé sur le burn-out des agriculteurs. C'est un sujet vraiment important, car c'est à mon avis, mais pas rien qu'à mon avis, d'après les statistiques, le secteur le plus touché par le burn-out. Ensuite, nous avons eu Lee, le 7 mai, qui nous a parlé, qui en fait s'est présentée comme la porte-parole des jeunes. Elle a 18 ans, elle nous a expliqué ce que ressentaient les jeunes par rapport à ce stress, par rapport à ces crises d'angoisse qui deviennent courantes dans la population jeune. Ensuite, le 21 mai, nous avons eu Pascal Corradini, professeur d'IUT à la retraite, qui nous a parlé de la pression des notes et sa volonté à lui, dans la fin de carrière, de ne plus vouloir noter, car ça induisait un stress constant chez les étudiants. Ensuite, nous avons eu Ethan, étudiant le 4 juin, étudiant en Sciences Po avec un parcours atypique, puisqu'après avoir un master en Sciences Po, il a pris une année sabbatique pour être agriculteur dans un écolieu, ouvrier agricole. Et là, aujourd'hui, on a eu Hélène, interne en études de médecine, qui nous a expliqué aussi la pression. Tout ça pour vous annoncer une pause durant juillet et août, durant lesquelles il y aura des rediffusions des émissions que je vous ai citées. Et nous reprendrons le mardi 3 septembre. Et là, je fais un appel pour toutes les personnes qui nous écoutent. Nous aimerions rentrer dans un sujet qui a aussi une très grande importance, le burn-out maternel. À quoi il est dû ce burn-out maternel ? On pourrait se demander, puisque les femmes ont apparemment plus de facilité que nos grands-mères ou nos mères pour élever des enfants. Donc il y a une antinomie dans cette explosion, parce que le burn-out, on va dire parental, même pas maternel, parental, est devenu un sujet vraiment sur toutes les médias. Actuellement, on en parle. Parce que les exigences qui sont faites maintenant aux parents et aux mères aussi sont extrêmement pointues. On leur demande d'être parfaites, de nous fabriquer des enfants parfaits. Et ça, c'est, à mon sens, le premier point pour démarrer des burn-out, c'est chercher la perfection, le mieux du mieux du mieux. Hein, compétition, concurrence, enfin, urgence, tout est devenu une question de vie ou de mort. Pour prendre du recul par rapport à ce phénomène du burn-out, une question à se poser, ok, tout est une question de vie ou de mort, d'accord. La Terre continue-t-elle à tourner ? Oui. Suis-je encore vivant ? Oui. Ai-je un toit sur ma tête ? Oui. Ai-je de la nourriture ? Oui. Les questions, ensuite, on doit en prendre du recul sur le reste, sur nos exigences qui, elles, nous mènent dans des dédales de conflits avec les autres qui font que le burn-out devient une plaie, et pour l'environnement, et pour la personne, de souffrance internes qui ne se voient pas automatiquement. C'est important de prendre conscience de ça. Donc, revenons au sujet, le burn-out parental. Donc, nous aimerions en parler. Nous démarrons probablement avec l'ouvrage de Violaine Guéridault, qui est une médecin américaine qui a fait sa thèse sur le burn-out maternel parce qu'elle-même a eu un burn-out maternel durant ses études et sa thèse. Elle écrit un livre qui est édifiant. Édifiant parce que la violence qu'elle a pu avoir avec ses enfants a été quelque chose qui l'a profondément marquée et blessée. En fait, elle a été extrêmement blessée par ce qui s'est passé. Donc, elle nous explique vraiment en détail ce que peut représenter le burn-out maternel comme souffrance. Donc, on entamera ce sujet à la rentrée. Ben, ce sera aussi la rentrée des classes, donc ce sera un bon moment. Nous faisons un appel à témoignage pour des personnes qui aimeraient être invitées, soit pour témoigner d'un de leurs proches, en anonymat, elles peuvent totalement prendre un nom d'emprunt, soit parler du sujet, soit des enseignants qui ont vécu ça avec des parents, soit quel que soit ce que vous pouvez apporter par la parole, ce sera bon pour tout le monde de pouvoir en parler en dédramatisant peut-être et en permettant à certains parents de reprendre, on va dire, une joie, la joie d'avoir des enfants, et non pas une douleur de devoir supporter des exigences trop fortes par rapport à l'éducation. Donc, on se retrouve le 3 mars à 12h sur Radio Guémozo, que nous remercions encore pour son accueil à notre association et notre possibilité maintenant de diffuser. Il y aura également, je pense, un dimanche il était une fois le burn-out, on remettra aussi des témoignages, peut-être en rediffusion pour les gens qui voudraient écouter. Je vous souhaite à tous des bonnes vacances, je me réjouis de vous retrouver à la rentrée et en attendant, une bonne fin de journée. Merci chères auditrices et auditeurs de votre écoute.